Tous de sexe. Plastique. De femme objet. De vinyle paradisiaque. C'est un hymne à la femme objet. Au plastique. Et à Andy Warhol. Coca-Cola.